Chapitre 22, page 165. Exercice 4. 1. Ma chérie, tu crois vraiment que la vie va être douce et tranquille? Tu rêves. 2. La petite fille est allée voir le professeur et lui a calmement expliqué qu'il s'était trompé. Tu te rends compte? Elle a seulement 6 ans. 3. De toute façon, ce projet ne sert à rien. Il est superficiel. Il n'est là que pour donner aux électeurs l'impression que ça bouge. 4. Tu n'avais pas compris que Lucas s'intéressait à toi? Ah, c'est incroyable! Tu es la seule à ne rien avoir remarqué. 5. Tu connais ton père. Tout ce que tu dis est précieux. Tu es la seule qu'il accepte d'écouter. 6. Je suis absolument certain de la date de cette bataille, et je suis même prêt à parier.